Eh bien bonjour à toutes et à tous, est-il nécessaire de répéter que je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous coup de cœur sur Fadjet. Si vous nous avez écouté la semaine dernière, une émission spéciale de présentation en quelque sorte de cette nouvelle saison 4, vous savez qui nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui, sur qui nous allons fixer nos projecteurs. Alors sans plus attendre, eh bien on la découvre tout de suite. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors, celle que vous avez entendue, vous l'avez bien sûr reconnue, c'est Claudine Luypertz. Ben non, c'est Morane, c'était son vrai nom. Née le 12 novembre 60 à Ixelles et décédée en mai 2018 à Schaerbeek. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète et comédienne belge. Je vous ai dit déjà ces quelques mots de présentation la semaine dernière, je les répète parce qu'il faut savoir qu'elle était révélée dans les années 80 par son rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l'opéra Rostarmania. Tania. Et ses titres les plus connus, Toutes les mamas, Sur un prélude de Bach, Tu es mon autre, en duo avec Lara Fabian notamment. Et cet artiste à la voix chaude et jazzy fut régulièrement qualifié de voix d'or de la chanson francophone ou encore de voix de velours. Alors Claudine Luypertz baigne dans une atmosphère musicale depuis l'âge de 8 ans. Son père est un compositeur et directeur du conservatoire de musique de Verviers et sa maman est professeure de piano. Elle étudie un temps le violon, mais rebutée par toute forme de scolarité, elle s'initie en autodidacte au chant et au piano, avant de lui préférer la guitare. Vers l'âge de 14-15 ans, elle décide de chanter dans les rues, dans le quartier notamment de la Grande Place de Bruxelles. En 1976, elle est seconde au concours Visa pour le show et l'année suivante participe au Lundi d'Hortense, occasion pour laquelle elle prend le nom de scène de Claudie Claude. Allez, on parle des débuts de Morane juste après ce premier titre, cette première respiration musicale, L'un pour l'autre. Morane. Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le yin pour le yang, comme le goût pour la langue, l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le bleu pour la mer, comme un dieu pour la terre, l'un pour l'autre. Les yeux tellement c'est clair l'un pour l'autre. Séparés, séparés, séparés, séparés, on ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Séparés, séparés, séparés, séparés, on ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Allez, on revient à la carrière de Claudine Lupert, notre future Morane, qui participe au spectacle Jacques Brel en 1000 temps d'Albert-André Lheureux avec Philippe Lafontaine, Daria de Martinoff, Anne Gaëtan, Geoffroy, etc., etc. Pierre Barou, compositeur français et patron du label Sarawa, la découvre à cette occasion et produit ses premiers 45 tours qui sortent à partir de 1980 sous le pseudonyme de Claude Morane. Ce dernier fait référence au metteur en scène Francis Morane qui a œuvré sur Starmania notamment. Cependant, il est orthographié différemment afin d'éviter l'amalgame avec la bande dessinée Bob Morane. Alors les premiers 45 tours, je me roulais en boule, 1980, Fais soleil 1982, Tape à la pêche en 84, Moi l'argent, toi jeune en 85, ne rencontre pas un grand succès. La chanteuse enchaîne les petits contrats qui la conduisent régulièrement à chanter dans la rue ou les cafés-théâtres et à être choriste, notamment de Victor Laszlo, Jo Lemaire, Philippe Lafontaine ou encore Claude Semal. On va écouter ce 45 tours de l'époque, donc dans les premiers titres de Morane, Je me roule en boule, et puis l'occasion, on en a parlé il y a quelques secondes, d'écouter Victor Laszlo, Canoë Rose. J'ai les doigts qui collent, j'ai le nez qui coule, je voudrais qu'on me console, et je me roule en boule, je me roule en boule, pour trois verres de vin, y'a une drôle de houle, tout ça n'est pas sain. Et je me roule en boule, et je me roule en boule. Ça tourne pas rond, j'arrondis les angles dans mon cocon. Il fait plus tendre. Les voisins s'engueulent, paraît que ça défoule. Puisque je suis toute seule, moi, je me roule en boule. Moi, je me roule en boule. Je pense à tes yeux. J'ai la chair de poule au fond de mon pieu, moi. Je me roule en boule. Moi, je me roule en boule. Ça tourne pas rond. J'arrondis les angles dans mon cocon. Il fait plus tendre. J'ai les doigts qui collent, j'ai le nez qui coule. Je voudrais qu'on console, et je me roule en boule, et je me roule en boule. C'était pas l'année dernière, c'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Il faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë. Changer l'eau des fleurs, oublier qui. draps et ne plus jamais remonter, dormir sur le pont du galion qui s'est laissé couler parce qu'il t'a connu une de plus sage. Le soleil essaie de se glisser par le store vénitien. Mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. À deux places, il servira peut-être pour un autre film. Changer l'eau des fleurs, oublier qui tu étais, ne plus jamais avoir pas peur, se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle, pleurer plus que le sol. Sur le pont du galion qui s'est laissé couler parce qu'il t'a connu une de plus à t'aimer. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Si vous nous rejoignez, sachez que notre coup de cœur aujourd'hui est consacré à Morane. Alors, la carrière de celle-ci ne décolle vraiment qu'en 1983, avec sa première scène au Sentier des Halles à Paris. Le succès du spectacle lui permet d'enregistrer son premier album, qui s'appelle Danser, et qui sort en 1986. En 1988, Michel Berger lui confie le rôle de Marie-Jeanne, créée en 78 par Fabienne Thibault. Elle participe à la deuxième version de l'opéra rock Starmania qui tourne durant 6 mois. Mais assurer ce rôle en même temps que sa carrière de chanteuse lui sera vite difficile, au point d'arrêter brutalement ses prestations dans l'opéra rock. Elle est remplacée à ce moment-là par Réjeanne Perry pour le reste de la tournée. Alors justement, on va écouter un extrait de ce premier album, Danser, et on enchaînera avec Philippe Lafontaine, non pas Cœur de loup, mais une chanson qui s'appelle L'amant tequila. Pour le moment, c'est Morane. Et si ton whisky est bon. Y'a vraiment que les barmaids qui m'aident pour chasser mes soucis, c'est le seul remède. Si tu te bourres de mes airs, moi je me bourre au bourbon. Si je manque de ponche demain, où j'irai en boire aux anges noirs chez maman. Si ta plage a des airs de désert, c'est que ta vie se complique plus que de nécessaire. Oublie tout, il faut le temps. Surtout si tu t'appelles tequila, tequila. Que tu pagues et pagues et pannes de coke et que tout est baissé, goûte le cola. N'oublie pas que la musique est belle, si belle, si belle, qu'on peut même se coucher sur elle. Qu'on peut même se coucher sur elle. Et si tout mène à Rome et tango, dans mon piano. Si t'aimes le genre au massanglo, de douceur laisse-moi t'imbiber, vina soda. De douceur laisse-moi t'imbiber. Moi je vends des chansons. Si tu cherches l'âme sœur, nous la gaffe à l'hameçon. Si tu sens le lac au fond de toi qui s'assèche, et les gens de l'étang d'à côté qui t'empêchent de chanter tes mélopéras. Enfin, facile à dire, là, si faire, docile à rire, si belle affaire. Rends-moi l'ivresse polygame. Feeling filmant, la guitare agitée sur des danses agitant. Si ton bar a tendance à la danse, appuie-toi si t'oublies l'indécence. Domestique le mescal et sultan. Surtout si tu t'appelles tequila, tequila. Que tu bagues et bagues et panne de coke et tout est baissé, goûte le cola. N'oublie pas que la musique est belle, si belle, si belle, qu'on peut même se coucher sur elle. Qu'on peut même se coucher sur elle. Et si tout mène à Rome et tango, viens dans mon piano. Si t'aimes le genre au massant, de douceur laisse-moi t'imbiber, vina soda. De douceur laisse-moi t'imbiber. Le second album de notre coup de cœur, intitulé Morane, sort en 1989 et rencontre le succès avec 150 000 exemplaires écoulés. Il contient l'une des chansons les plus populaires de l'artiste, Toutes les Mamas. Son succès lui apporte l'ouverture des portes justement de l'Olympia et permet une tournée internationale qui s'achève au Japon. En 1991, sort l'album Ami ou Ennemi, qui confirme le succès déjà obtenu en se vendant très bien sur la durée puisqu'il s'écoule à près de 450 000 exemplaires grâce à des titres comme Sakas, Mentir, Du Mal et surtout la ballade Sur un prélude de Bach signée Jean-Claude Vanier qui aura un impact retentissant sur sa carrière. L'album comporte notamment une chanson parlant de son rapport avec le personnage qu'elle incarnait dans Starmania, le titre Qui es-tu, Marie-Jeanne. Alors je vous propose de faire un petit retour sur ce titre que la chanteuse a pourtant bien failli ne jamais interpréter. Un jour de 1978, alors que le célèbre chef d'orchestre et auteur-compositeur Jean-Claude Vanier donne un concert à Bruxelles, la jeune Claudie, c'était son nom à l'époque, tente de le rencontrer. Elle connaît son travail pour Gainsbourg, Barbara et Michel Jonas et rêve à son tour d'avoir une de ses chansons orchestrées par lui. À l'issue de la prestation bruxelloise de ce dernier, elle parvient à se glisser en coulisses pour dire toute son admiration et en profite pour lui demander de travailler avec lui. Mais Vanier décline la proposition de cette jeune chanteuse encore inconnue, un refus que Claudie prend très mal et dont elle se souviendra longtemps. Bien plus tard, à la fin des années 80, quand sa carrière commence à décoller, sous le pseudonyme de Claude Moran, avec notamment le succès de Toutes les Mamas, la situation s'inverse. Cette fois, c'est Jean-Jacques Vanier qui vient vers elle pour lui proposer des chansons. En souvenir de leur première rencontre et du refus de ce dernier, Claude Moran refuse à son tour de travailler avec lui. Juste retour des choses. Pourtant, le célèbre auteur-compositeur insiste et revient plusieurs fois vers elle pour lui proposer des chansons un jour. Il lui envoie même un énorme bouquet de fleurs accompagné d'un texte qui évoque un prélude de Bach. Moran ne trouve pas, a priori, cette chanson formidable, d'autant qu'elle est choquée par certains mots ou expressions comme casserole ou pot de colle. Elle refuse dans un premier temps d'interpréter, mais devant l'insistance de Jean-Claude Vanier, elle finit par céder et l'atteste sur scène. Là, c'est une véritable révélation. Moran mesure tout l'impact du titre sur son public. Pourtant, malgré cela, elle ne souhaite toujours pas enregistrer la chanson. Il faudra toute l'insistance du responsable de sa maison de disques pour qu'elle accepte d'inclure sur un prélude de Bach à son troisième album, Ami ou Ennemi. Sorti en 92, en troisième extrait de cet album, cette chanson connaît un très grand succès et se classe en très bonne place du top 50. Et il fait désormais partie des standards du répertoire de Moran. Pour info, en 2002, elle a spécialement enregistré une version guitare-voix de son tube pour l'album Autour de la guitare de son ami le talentueux Jean-Félix Lalanne. Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et le cargo lourd que l'on rafistole et les torchers. Les citernes de gasoil. Et toi qui courais dans les flaques. Et moi et ma tête à claque. Moi qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. Et toutes mes erreurs de zodiaque. Et mes sautes de boussole. Et toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Et moi, moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques qu'on bazarde au prix du pétrole. Col blanc et des... je donnerai Ray Charles, Mozart en vrac. La vie en rose, le rock and roll. Tous ces bémols et tous ces couacs. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. En 1994, Morane reçoit le prix de l'artiste interprète francophone de l'année aux Victoires de la Musique devant Céline Dion et Stéphane Echer. Tout au cours de sa carrière, elle propose des duos avec différents artistes comme Catherine Lara, La Langue des Anges en 1991, Michel Fugain, trois duos au concert de Francofolie de La Rochelle en 1996, Eddie Mitchell qui signe le titre C'est Magique en 1998 ou encore Lara Fabian, Tu es mon autre, incontournable en 2001. Entre autres collaborations, la chanteuse sort deux albums en trio avec Steve Huben et Charles Loose sous le nom HLM en 1986 et en 2005. On va écouter ce standard, ce grand succès « Tu es mon autre » en compagnie de Lara Fabian. Morane. Fadjet, le bonheur en chanson. Alors, elle a toujours été appréciée par ses collègues artistes. Morane est revenue régulièrement sollicitée pour des actions caritatives. Et dès 1993, elle se mobilise pour la lutte contre le sida avec Francis Cabrel, Michel Jonas, Catherine Lara, Maxime Le Forestier et Alain Souchon. Le groupe d'artistes donne un concert à l'Olympia au profit de l'association Solancy, Solidarité Enfants Sida, et un album live voit le jour. 4 ans plus tard, c'est Zazie qui rejoint l'équipe sur scène et au fil du temps, différents albums live ou studios vont paraître et les effectifs vont se renforcer. Entre 1996 et 2013, à 14 reprises, Morane participe également assidûment au concert des Enfoirés en faveur des Restos du Cœur, bien sûr. On va écouter, je viens de la citer, le dernier titre de Zazie, ça s'appelle « Let in Shine ». Eh, hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moi, rien d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose. Pas ma dose, plus de concert, pareil qu'on sert plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Eh ben tant pis, youpi, que danse mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence. Let it shine. J'ai perdu le sommeil, mais t'inquiète. Let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde a les ailes tombées, quand on voit ce que ça donne, soit plongé dans le noir. Peut-être qu'il nous faut ça pour y voir plus clair. Et sur nos zones d'ombre, vers la lumière, let it shine. J'ai perdu le sommeil, mais t'inquiète. Let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde a les ailes, pas mal ce dernier titre de Zazie, Let It Shine. On revient à Morane, du côté de sa carrière personnelle, puisqu'on venait de parler de ses implications dans les actions caritatives, les duos, etc. Mais en 2003, sort l'album Quand l'humain danse, une aventure collective toujours, pour un album fort personnel qui mobilise à l'écriture des artistes comme Jean-Jacques Goldman, Daniel Lavoie, et propose des duos avec Marc Lavoine, Lara Fabian, Véronique Sanson. Duo écrit et composé par Peter Lorne. En janvier 2008, elle enregistre le projet Baltimore avec Jacques Higelin en soutien aux otages du monde entier, dont Ingrid Betancourt. C'est l'occasion d'écouter Jacques Higelin, on l'écoute pas souvent dans Coup de cœur, dans un titre qui s'appelle Par. Thank you. je serai toujours avec toi. Alors pars et surtout ne te retourne pas. Avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi. Impatient. Il a du cœur, il aime la vie et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as? Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. En septembre 2009, en hommage à son ami Claude Nougaro, qui reçut 80 ans, Morane enregistre 15 reprises regroupées dans un album intitulé Nougaro ou l'espérance en l'homme. De novembre 2012 à février 2013, puis d'octobre 2013 à février 2014, elle fait partie du jury du télécrochet français Nouvelle Star sur D8 à l'époque, aux côtés d'André Manoukian, Sinclair et Olivier Bas. En septembre 2014 sort Trop forte, chanson signée par Pierre-Yves Lebert et Daran, évoquant les difficultés psychologiques de vivre avec un surpoids, thème que Morane n'avait jamais osé aborder jusque-là. Il s'agit du premier single de son album Ouvre, paru en novembre 2014. On la retrouve tout de suite et puis ce sera Lara Fabian, La Différence. Chose ou pas assez, toutes ces portes à pousser larges comme des chats d'aiguille, les barrages à passer, faudrait être une anguille, un peu maigre, un peu lisse, pour entrer comme Alice au pays merveilleux, au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine, d'espèces de drôles de tiges qui se collent des vertiges, à force d'être au régime. On est toujours trop quelque chose, trop pas assez, trop pas assez. Je suis trop forte, moi je suis trop forte. Je connais la chanson, bien sûr ils ont raison, alors je le dis aussi, je suis trop forte, je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. J'ai connu toutes les appellations contrôlées, dès la cour de récréation, ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère. C'est toquer sous la peau. Sous la peau. On a même inventé des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correct politiquement, t'es pas grosse, non t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. La différence, celle qui dérange. Une préférence, un état d'âme, une circonstance. Un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'éteindra jamais. Thank you. c'est déjà la dernière partie de notre coup de cœur Morane. On se retrouve en 2016, période à laquelle elle rencontre des problèmes de santé et doit être opérée d'un œdème aux cordes vocales, ce qui la contraint à annuler ses concerts et la tient éloignée de la scène jusqu'en 2018. En mars 2018, la chanteuse annonce que son prochain album sera un disque de reprise de Jacques Brel. Elle confie alors « ça fait 15 ans, 20 ans que j'en rêve ». Le 3 mai de cette même année, elle participe à un hommage justement à Jacques Brel dans le cadre de l'Ingrock Festival où elle interprète en duo la chanson des vieux amants. Cette performance est renouvelée le 6 mai lors de la fête de l'Iris aux côtés d'une vingtaine d'artistes qui célèbrent là encore Jacques Brel, par ailleurs natif de Schaerbeek où Morane décède moins de 24 heures après cette dernière apparition en public. Le 12 octobre 2018 paraît son album Brel, dédié aux chansons justement de l'artiste et finalisé post-mortem par la fille de Morane et son pianiste Philippe De Kock. L'album est certifié disque d'or en Belgique. La fille de Morane explique succinctement au journal Le Parisien que sa mère a fait une chute et qu'elle n'en a pas envie d'en parler, d'en dire plus en fait. Côté vie privée, le 29 décembre 1993, Morane et Pablo Villafranca, qu'elle a épousé en juin 1992, deviennent parents d'une fille, Lou, que je viens de nommer. Bien que le couple se sépare, Pablo Villafranca est néanmoins choriste en 1995 sur l'album Différente de la chanteuse et il a également joué dans le clip du titre sur un prélude de Bach et participera à la promo télévisuelle de la chanson Désillusionniste. J'y arriverai. Allez, on va se quitter non pas avec un live, mais je tenais à ce qu'on écoute un extrait de ce dernier album qui était consacré à la carrière de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, reprise de Morane. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles le soleil, la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour le mot de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson. Le monde. Une voix unique, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Elle nous a quittés beaucoup trop tôt. J'étais très heureux de vous présenter ce coup de cœur consacré à Morane. La semaine prochaine, une autre jeune femme, les femmes sont à l'honneur cette année, en début de cette année, cette nouvelle saison. On parlera de la carrière de Nolwenn Leroy. Voilà, donc je vous attends nombreux à partir de 17h sur Fadjet. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, pas de folie, et à la semaine prochaine. Salut, bye bye.